ça lui va comme la folie. T'assieds pas les souliers de Vincent que tu ne chausses pas l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus ses corbeaux dans le blé une toile perdue je Quand je vois la folie, je fais ses compromissions, je bouge dans son lit. L'élan de cet âme inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent. De quel bois elle était, les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque en février. Je n'arrête plus. De la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac, dans le verre.